fortune d'y éclore. Je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l'averse ou le ressac, la tempête, le temps.

l'autre bout. C'était dur. C'était dur. Thank you. a crackling of vinyl. It's Shocking Blue on Clock Tower Radio, operating at clocktower.org, recording live from Red Bull Studios, New York. I'm Delphine Blue, and my engineer is Ryan. Temperature dropped to 93 degrees. Pulse down to 34. Blood pressure 60 over 40 and falling. Eyelids flickering. Pulse and temperature continuing to fall. Body inert. Skin grey and flaccid. No response to external stimuli. EEG shows no cerebral activity. Thank you. Thank you. Oh, not just for fleshly intelligence, but as an opportunity to worship God, to praise God, to feel like you're above your problem, to meditate, and to get creative thoughts from God. Thank you. dirait qu'il est trop occupé pour jouer avec lui.